L'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a présenté sur l'Internet l'orientation de réunification de la Corée, précisée au 7e congrès historique du Parti du Travail de Corée. D'autre part, le président de l'Association d'amitié Guinée-Corée, Banu Keita, a lancé le premier un entretien pour féliciter la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique stratégique sol-sol à moyenne et longue portée Phason 10 de la République populaire démocratique de Corée.